C'est une impossibilité, c'est une impuissance que je mets en scène. Et mais il reste 5 secondes, hein, vous en faites pas. Donc voilà. Non, mais Truffaut est dans la puissance là-dessus. Et moi, c'est ça, moi j'aime assez bien parce que c'est non, Truffaut c'est un cinéaste puissant, je pense, sur l'érotisme et sur le désir. Merci beaucoup Christophe Honoré d'être venu nous en parler ce matin. Chambre 212, votre prochain film sort le 9 octobre. Oui, on ira le voir et on se quitte avec une chanson, puisqu'on en a beaucoup parlé, la chanson de Vincent Delerme a ouvert cette émission. C'est celle de Bobby Lapointe qui va la terminer, à vanille et framboise, qu'on trouve dans la bande originale de Tirer sur la pianiste. Elle s'appelait Françoise, mais on l'appelait framboise. Une idée de l'adjudant qui en avait très peu pourtant des idées. Elle nous servait à boire dans un bled du Maine-et-Loire. Mais ce n'était pas Madelon, elle avait un autre nom. Et puis d'abord pas question de lui prendre le menton. D'ailleurs elle était d'Antibes, qu'elle a vanille, à vanille et framboise. Sont les mamelles du destin. Pour sûr qu'elle était d'Antibes, c'est plus près que les Caraïbes, c'est plus près que Caracas, est-ce plus près que Pézenas, je ne sais pas. Et tout en étant française, l'été tout de même antibaise. Et bien qu'elle soit française, et malgré ses yeux de braise, ça ne me mettait pas à l'aise de la savoir antibaise. Moi qui serais plutôt pour qu'elle avanie, avanie et framboise, sont les mamelles du destin. Elle avait peu d'avantages, pour en avoir davantage, elle s'en fit rajouter à l'Institut de beauté. Ah ah ah. Tirer sur le pianiste, non pas sur la pianiste, comme je l'ai dit. Sur France Culture, les chemins de la philosophie, les 10h52, c'est-à-dire que c'est l'heure de retrouver Géraldine Mosna-Savoie pour son journal de la philo. On n'est pas là pour philosopher, Carpentier. Quand même. Incroyable. Bonjour Géraldine. Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous. Ce matin, vous nous parlez d'architecture. Et oui, c'est une des tendances de la rentrée des essais, nous parler d'architecture. Jusqu'ici, j'en compte 4 de livres. Bâtir et habiter pour une éthique de la ville du sociologue américain Richard Sennett. Reprendre place contre une architecture du mépris de Michael Labbé. Et philosophie de l'architecture de Luc Verschwart. Et puis je cite aussi sur les aéroports en escale de Bruce Bégout. Ces parutions tombent à pic car c'est une question que je me pose souvent. Qu'est-ce que ça veut dire habiter? Et c'est une question qui apparemment n'interpelle pas que moi. Il y a une poétique des gares qu'il faut respecter. Alors par exemple, il y a eu un, je ne suis pas contre les centres commerciaux, il y en a un, gare Saint-Lazare, j'adore la gare Saint-Lazare, que je connais bien. Là, c'est monstrueux du point de vue de la dramaturgie et de la scénographie des voyageurs par rapport au départ. Bon, déjà, à cause de toutes ces histoires de sécurité, de réservation, de machin, on peut plus courir après le train, comme quand un amoureux s'en va. C'est quand même... ça sert à ça, les gars. C'est des lieux de déchirure. C'est des lieux où des désirs passent. Roland Castro fait partie de ce collectif d'architectes qui ont pris la parole dans une tribune le 3 septembre dernier pour dénoncer le projet de transformation de la gare du Nord. Grave erreur pour les usagers, pour le patrimoine et pour la ville, ce projet consiste à créer des milliers de mètres carrés de commerces et de bureaux. Il a même été baptisé pour l'occasion « lieu de vie ». Est-ce une ironie ou pas? C'est vrai qu'on peut se demander en quoi travailler et acheter peuvent relever de la vie, car a priori ce sont des activités qui ont lieu dans certains espaces, dédiés seuls et seulement à ces fonctions. Je vais à tel endroit pour prendre un train, pour acheter mon pain, pour pointer. Pourtant, ce sont aussi des lieux où l'on vit justement. Je mange au travail, je ris au travail, certains y font même l'amour, et je m'enchante dans un magasin. Roland Castro le dit bien aussi, une gare est un lieu de désir, de déchirure et de rencontre. On peut donc se poser la question, pourquoi le commerce et le travail ne semblent pas toujours entrer dans la catégorie « lieu de vie » ? Pourquoi la gare est-elle tantôt un lieu utile pour en partir, tantôt un lieu de désir? En quoi certaines activités, parce qu'elles ne sont pas au bon endroit, à la bonne place, à leur place, deviennent inacceptables et incompatibles avec l'idée de les habiter? Qu'est-ce qui rend donc un lieu habitable? Citoyens, citoyens, citoyens. La prise de la Bastille est l'un des exemples d'une prise de possession d'un lieu, d'une appropriation. C'est Luder Schwartz qui s'en sert dans sa philosophie de l'architecture. Mais s'approprier, est-ce l'habiter ? Cette préoccupation de savoir en quoi consiste le fait d'habiter est dans l'air du temps. J'y vois un prolongement des bouleversements de nos modes de vie. Comment vivre sur Terre ? Comment avoir accès à un logement digne ? Comment vivre ensemble ? Comment prendre part à l'espace public ? Ou encore, comment être en accord avec le corps que l'on habite ? Je m'attendais à trouver la réponse dans tous les ouvrages que je vous ai cités au début de la chronique, je dois reconnaître que le terme « habiter » y est peu théorisé en tant que tel, comme si « habiter » était en fait évident. Par définition, le terme renvoie au fait d'occuper un lieu. Mais est-ce suffisant ? Dans tous les essais parcourus sur le sujet, « habiter » est plus que ça. Mais qu'est-ce que c'est de plus ? Odeur ! Odeur ! C'est odeur ! I know what I'm doing. Odeur ! Odeur ! There's no good people shouting. There will be an opportunity for other points of order, but the Prime Minister must and will be heard. Order! Le Parlement et sa scénographie sont un autre exemple d'occupation d'un lieu bâti pour débattre. Plus que le terme « habiter », c'est donc celui de « bâtir » qui est important. Mais en quoi bâtir est-il la condition pour habiter un lieu ? Quel est leur lien ? Eh bien, bâtir se distingue de construire. Ce dernier consiste à ériger un plan déjà établi, quand bâtir consiste à représenter nos intentions, à y diffuser nos idées, à s'y réaliser. C'est pourquoi l'accent est mis dans tous les livres sur l'architecture qui, dans son étymologie, renvoie au commencement, au fondement, à ce qui permet d'asseoir une domination politique ou au contraire à la bouleverser, comme dans un parlement ou comme dans une gare. Habiter ne s'explique pas, mais se fait et se sent. C'est donc l'architecture qui est à penser comme une mise en œuvre des possibilités de vie qu'elle offre, mais aussi comme une protection contre ceux qui s'approprient l'ambition de savoir ce qu'est habiter à la place des habitants. Merci Géraldine, et j'en profite pour annoncer que, puisque vous parlez du parlement, que c'est le thème de Culture Monde cette semaine. Et votre chronique, Géraldine, est à réécouter en ligne sur le site du journal de la philo. Merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie qui m'aide chaque jour à préparer cette émission. Aujourd'hui, Isis Jourda, avec Manon Delasselle, Géraldine Mosna-Savoie, Jules Barbier, Anaïs Isbert, Thomas Beau qui a réalisé pour vous cette semaine Truffaldienne, Jean-Frédéric à la prise de son aujourd'hui, Noémie Lvoski qui a accompagné ces émissions de sa voix, qui a lu les textes écrits par François Truffaut. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau numéro de Profession Philosophe qui vous emmène chaque vendredi à la rencontre de ceux qui ont fait de la philosophie leur métier. Demain, nous serons en compagnie du philosophe Ali Ben Makhlouf. D'ici là, pour réécouter cette émission, rendez-vous sur le site de France Culture, page des Chemins de la Philosophie. Vous pouvez réécouter l'émission en ligne ou bien la télécharger, la podcaster, pour l'écouter où vous voulez et quand vous voulez. L'équipe des Chemins vous donne également rendez-vous sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram. On attend vos remarques, vos commentaires, on sera ravis d'y répondre. À demain, 10h. D'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.